bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de l'animation, de la mise en onde et du choix musical, avec la collaboration cette semaine d'un fidèle auditeur, et j'ai nommé Claude Darvaux, qui nous suggère une pièce de la formation Barclay James Harvest. C'est ce qu'on va entendre à la fin de l'émission. Et aussi, je voudrais souligner l'importance de Denis Marchand, Noël Douville et Robert Blanchette, qui à chaque semaine, comme toujours, me donnent des commentaires sur l'émission de la semaine passée. Aujourd'hui, à l'émission, nous aurons Magic Boss d'Angleterre, Quantum Fanté de Belgique, Néo Prophet de Belgique, National Health d'Angleterre, La Fabbrica dell'Assoluto d'Italie, Tritonus d'Allemagne et de Russie, Kayuan. Et pour le palmarès rock de neurones, nous aurons en 19e position cette semaine la formation britannique Camel. Ça sera suivi de Supertramp et, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous clôturerons l'émission avec Barclay James Harvest. Alors, on débute avec une formation d'Angleterre qui est de connotation Canterbury. Elles tirent leur inspiration de Caravan, Soft Machine et Steve Hillage, entre autres, le guitariste de Gong. Et ce groupe britannique Magic Boss a deux albums studio à son actif. C'est un groupe assez récent. Et ce qu'on va entendre, c'est extrait du premier album qui est paru en 2011. L'album s'intitule Transmission from Sogomore's Garden et la pièce Jupiter 3 AM. Alors voici Magic Boss. Spheres of light dance around the cosmos as my candle flickers and glows. Count up a thousand leaves, trees are open. Thank you. Alors, c'était Magic Bus avec la pièce Jupiter 3AM et c'est tiré de Transmission from Sagamore's Garden qui est paru en 2014. On va maintenant du côté des Pays-Bas avec Quantum Fante. Quantum Fante qui est une formation qui œuvre depuis 2005. Ils sont rendus à leur sixième album studio. Et c'est extrait de cet album-là qu'on va entendre la pièce Rimbo. Je rappelle que la formation est dans la lignée du style de Osric Tentacles, un peu psychédélique. Et c'est d'actualité. Le style est très populaire. Alors voici donc Quantum Fante avec la pièce Rimbo. Alors, vous venez d'entendre la formation belge Quantum Fante avec la pièce Rimbo. Et c'est tiré du dernier album paru en 2015, Dancing in Limbo. Alors, on va conclure le premier bloc de l'émission avec une autre formation belge du nom de Néo Prophète. C'est une formation, un groupe qui existe depuis 10 ans. On leur connaît 2 albums, un en 2009 du nom de Monsters et le plus récent, Time, qui est paru en 2015. C'est extrait du premier album Monsters qu'on va entendre. Je vous suggère la pièce 911 Pianoid. Alors voici de Belgique, Néo Prophète. Hello, operator, give me the number for 911. I was almost famous for 1 minute. I was almost gone. number you have reached, 911, has been changed to a non-published number. Alors, c'était la formation belge Néo Prophète avec la pièce 911 Pianoid et c'est extrait de l'album Monsters qui est paru en 2009. Après la pause, on débute le deuxième bloc de l'émission avec une formation britannique du style Canterbury. En fait, c'est probablement le dernier groupe de ce style. On parle de National Health. National Health qui a été fondé par Dave Stewart après la dissolution de Hatfield and the North et les musiciens qu'on y retrouve, c'est à peu près ce qui se trouve de mieux dans durant cette période de milieu fin des années 70. Alors on retrouve là-dessus Dave Stewart bien entendu, de Egg avec Mont Campbell, aussi de Egg, on a Phil Miller, Pip Pyle, Bill Bruford, on a aussi Richard Sinclair, Steve Elledge, ce sont tous des musiciens qui originent de formations comme Caravan, Soft Machine, Hatfield and the North, comme je disais, Gong et National Health est vraiment le summum dans le style. Alors, la pièce qu'on va entendre, c'est extrait d'une compilation du nom de Complete, qui est parue en 1990, et ça regroupe toutes les œuvres de la formation. Et ce qu'on va entendre, c'est Tenemos Roads. Alors, voici National Health. Thank you. Alors, c'était National Health avec la pièce Tenemos Roads et c'est extrait de la compilation Complete qui est parue en 1990. Alors, on va conclure le deuxième bloc avec une deuxième pièce un peu plus longue que la moyenne. On parle ici de 12 minutes 35 secondes avec une nouvelle formation italienne du nom de la Fabbrica de Saluto. Et la pièce qu'on va entendre, c'est tirée d'un album concept 1984. On parle ici d'une œuvre inspirée de l'œuvre de George Orwell, c'est-à-dire. Et le groupe, qui est une nouvelle formation, se dit inspiré par ceux qui connaissent le rock progressif italien. On va reconnaître les noms que je vais mentionner. On parle ici de Banco del Mutuo Corso, Il Balletto di Bonzo, Biglietto per l'Inferno et Cervello. Et aussi une Granadi della Valle. Alors, ce sont tous des groupes italiens de facture un peu jazz, R.I.O. Mais cette nouvelle formation comporte plus de mélodies. Alors, voici la Fabbrica la Fabbrica del Assoluto. Et la pièce, c'est Processo di Omologazione. Et c'est extrait de 1984, L'ultimo uomo d'Europa, le dernier homme d'Europe. Alors voici la Fabbrica de la Saluto. We'll be right back. Alors, on est d'entendre la plus récente formation italienne, La Fabbrica dell'Assoluto. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Processo di Omologazione, et c'est tiré de l'album L'Ultimo Uomo d'Europa. Après la pause, troisième bloc de l'émission avec une formation allemande du nom de Tritonus. C'est une formation qui a eu un passage assez rapide en 75 et 76 avec deux albums et puis ça a été tout. Alors ce qu'on va entendre, c'est tiré du deuxième album paru en 1976 qui s'appelle Between the Universe et la pièce qu'on va entendre, c'est Mars Detection. Thank you. Alors, c'était Tritonus d'Allemagne avec la pièce Mars Detection et c'est extrait de Between the Universe qui est paru en 1976. On enchaîne avec une formation russe du nom de Kayuan qui vient de faire paraître leur deuxième chanson. En fait, c'est un peu ironique, mais je m'explique, c'est qu'ils ont deux albums, mais deux chansons. Le premier album contenait une chanson de 39 minutes et ce qui vient de sortir, c'est une chanson de 52 minutes. Mais pour le bénéfice des auditeurs, j'ai extrait une partie de la chanson de 52 minutes et on va entendre le Kurum, qui est un court extrait de 7 minutes 50 secondes et c'est tiré de Sony Nai, l'album de la formation russe Kayuan. Ja tie vie eri suuntiin, kunnes tuo yksin näkee, kun tuli nainen tanssi, lumi värisee, vaan ei sula sitten. Alors, c'était la formation russe Kahuan avec un extrait de la très longue chanson Kurum Sorninaï. Alors, c'est pas souvent qu'on a des artistes russes. Alors, on en profite. On conclut le troisième bloc de l'émission avec, on va parler ici du palmarès Rock de Neuron avec la position du 9 qui est 19 qui est détenue par la formation britannique Camel qu'on connaît bien avec Andrew Latimer en particulier. Camel qui a 15 albums studio entre 1973 et 2002, plusieurs albums live, des DVD et 8 compilations. Et l'album qui est consacré à peu près un peu de façon universelle, c'est The Snow Goose. Alors, j'ai 5 extraits à vous proposer de cet album-là. On va commencer par Friendship, Migration, Flight of the Snow Goose, Firtha Alone et La Princesse Perdue. Alors, on enchaîne ça sans interruption. Alors, voici Camel. Oh, Alors, c'était Camel qui occupe la position 19 du palmarès Rock de Neurone. Camel qui a été formé de plusieurs musiciens assez impressionnants. On parle d'Andrew Latimer, entre autres. Mel Collins aussi, qui a poursuivi sa carrière avec King Crimson. On a Richard Sinclair aussi qui a fait partie de Camel, qui a aussi œuvré au sein de Caravan. Et Pete Bardens aussi. Alors, c'est une flopée de musiciens qui ont participé à la trilogie, surtout de 1974, 75 et 76, où les albums Mirage de Snow Goose et Mood Madness sont parus. Alors, avis aux intéressés, ceux qui aiment la musique de Camel, je les incite à retourner dans les premières années du groupe. Alors, on va enchaîner maintenant avec la position 18 du palmarès. Rock the Neuron avec Supertramp et l'album Even in the Quietest Moment. Supertramp qui ont fait 11 albums durant leur carrière. Even in the Quietest Moment est le cinquième du groupe. Pour plusieurs, Crime of the Century mérite une place plutôt que Even in the Quietest Moment. Et c'est une question de goût et en ce qui me concerne, la pièce Fool's Overture va toujours rester pour moi une des meilleures pièces de Supertramp et c'est ce qu'on va entendre. Ça va être suivi d'une autre pièce de cet album-là, Downstream. Alors voici Supertramp. On the seas and oceans, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Thank you. on the wings of time. It seemed the answers were so easy to find. Too late, the prophets cry. The island's sinking, let's take to the sky. We'll be right back. Sunday down by the sea. It just felt so nice. Alors, c'était la pièce Downstream, tirée de l'album Even in the Quietest Moment de Supertramp. C'est paru en 1977. On conclut l'émission de cette semaine avec la formation britannique Barclay James Harvest. C'est une suggestion d'un de nos fidèles auditeurs, Claude Darvaux, que je salue. Et il nous propose une pièce Child of the Universe qui est parue en 1974. 1974, ça a été les années de gloire de cette formation. En fait, qui a vu le jour en 1966 avec la dissolution d'un groupe qui s'appelle The Blues Keepers. Et, pardon, les deux musiciens principaux, John Lees et Les Holroyd, ont formé Barclay James Harvest. Et la filiation a duré longtemps. Il y a eu 20 albums studio, 12 albums live, 9 DVD. 8 compilations. C'est assez surprenant. Il y a plus de compilations qu'il y a d'albums, mais de toute façon, la compilation la plus intéressante, selon moi, c'est la dernière qui est sortie en 2013. Ça s'appelle The Essential Collection Et la pièce qu'on va entendre, c'est Child of the Universe. Alors voici Barclay James Harvest, suggestion de Claude Darvaux. Child next door 3,000 miles away.